Il est temps, ô mon âme, il est grand temps. Si tu veux te connaître toi-même et ta destinée, cherche Dieu et ses mystères. Ne regarde plus que Dieu. Éclaire mon esprit. Il